Force ennemie, troisième partie, chapitre 7. Lettre du docteur. Monsieur, en inventoriant des papiers demeurés dans l'armoire de la chambre qu'occupa pendant plusieurs années votre parent éloigné, Monsieur Eumolphe Gigon, récemment décédé à Vasseteau, j'ai découvert un manuscrit, un brouillon assez volumineux, intitulé « Force ennemie ». Au manuscrit était jointe une lettre signée de vous et dont j'ai pris connaissance. Il y était question d'un ouvrage portant le titre précité. Vous annonciez à M. Eumolphe Gigon l'intention de faire publier, dès que vous trouveriez un éditeur, ce travail littéraire, votre œuvre commune. Au cas où vous réaliseriez ce projet, vous me permettriez de vous présenter quelques observations nullement comminatoires, croyez-le bien, mais justes et essentielles. 1. La maison de Vasseteau n'a point été fondée par un certain docteur Froin, mais bien par le sous-signé. 2. Le dit docteur Froin, son adjoint Bidôme et messieurs Le Lancier et Barouge n'ont jamais, à aucun titre, fait partie de son administration. Par contre, les internés Froin, Bidôme, Le Lancier et Barouge, tous quatre morts aujourd'hui, mais tous quatre radicalement guéris au préalable, ont reçu mes soins empressés pendant des périodes variant de 5 à 9 ans. 3. Les noms des gardiens et gardiennes sont de pure fantaisie. 4. Les prouesses qui leur sont attribuées sont impossibles avec la sévère discipline qui règne à Vasseteau. Les gardiennes et internées ES n'ont jamais, au grand jamais, grâce aux précautions prises par moi, communiquer avec les gardiens et internés. Les hideuses scènes de débauche relatées au cours du récit ont donc pris naissance dans votre imagination. 5. Je n'ai, à aucune époque, reçu chez moi de pensionnaires portant les noms de Veuly ou de Nigeau. Votre collaborateur, M. Eumolphe Gigon, s'est parfois affublé indûment de ses patronymes. Veuly, Nigeau et M. Eumolphe Gigon sont une seule et même personne à différents états d'aliénation mentale. Le docteur Magne m'est entièrement inconnu. Le seul médecin que j'ai eu comme patient, je ne compte pas les officiers de santé Froin et Bidôme, se nommait Crapoussinet. Je n'ai pas eu davantage le plaisir de connaître M. Kmoroun de Troukra. 6. Les malades traités dans mon établissement n'ont jamais, sous quelque prétexte que ce fût, subi le supplice de la lance d'arrosage. La douche même n'est employée que dans des cas infiniment rares. Les appareils consacrés à cet usage sont de premier choix. 7. M. Eumolphe Gigon se vante quand il affirme s'être enfui de Vasseteau. On ne s'évade pas de ma maison. Il a, il est vrai, divagué souvent au sujet de l'Amérique du Sud et des Antilles, région qu'il avait visitée dans sa jeunesse et dont il était préoccupé au point d'en radoter. 8. Je n'ai jamais soudoyé de paysans chasseurs d'hommes. 9. Madame Letellier était une vieille aliénée fort respectable, à physionomie de sorcière maugrabine, que M. Gigon n'a pu apercevoir que de fort loin. Le mari de cette dame, loin de figurer avec honneur dans nos assemblées délibérantes, de présider aux destinées de l'une de nos plus vieilles colonies, ou de faire entendre sur des rives lointaines la parole fièrement pacifique mais sagement guerrière de sa patrie, cultive depuis de longues années les bords verdoyants de la rivière Diao, Nouvelle-Calédonie, en sa qualité de relégué à vie. 10. Mes gardiens, moi vivant, ne se livreront à aucun moment à des occupations inutiles, surtout artistiques, tels que travaux en ficelle ou sur coco, ébénisterie ou peinture, quand même il ne s'agirait que d'aquarelles. Je viens de plus de leur défendre le port de tout chapeau de couleur bizarre ou inusité. 11. Monsieur Elzéar Roffieux a été indignement calomnié par vous. Les quelques détournements de fonds et faux dont on l'a naguère accusé ont été commis par lui dans un but hautement humanitaire. Il a épousé non pas une Raoula Fromage, mais bien ma fille Gastonie. Il n'a rien de commun avec la famille Gigon et figure au nombre des commanditaires de la maison de Vasseteau. Ce dernier détail me dispense de plus longs éloges. 12. Je n'ai jamais abrité d'incendiaire sous mes toits. Je vous somme de faire paraître cette lettre à la fin de votre volume, que je serai heureux de voir précéder de quelques lignes de préface rédigées par vous et prévenant les patients lecteurs que ne rebuteront point les peintures grotesques ou malséantes contenues dans l'ouvrage, de la nature non documentaire, mais bien plutôt fantastique, de votre force ennemie. Monsieur Eumolphe Gigon déformait tout ce qu'il voyait, et sa lucidité, intermittente du reste, portait généralement des lunettes de couleur. Ce n'était pas un monomane, oh loin de là, s'il m'est permis de me servir encore d'une image. C'était une sorte d'homme orchestre de la folie. Je suis fâché, monsieur, d'avoir à vous reprocher votre perfidie. Vous avez profité des nombreuses visites que je vous ai autorisé à faire à votre parent pour collaborer à un livre puéril et à mensonger. Je n'essaierai pas, en entravant sa publication, de procurer à cette histoire de brigand un succès qu'elle ne mérite nullement. Veuillez, monsieur, souscrire à mes trop justes demandes et agréer ce que vous croirez devoir vous attribuer de ma considération. Signé, docteur Le Joyeux des Épaves. Je vous ai obéi, seigneur docteur. Fin.